Petit problème technique. Est-ce que vous nous entendez? Non. Je vais parler fort! On va écouter fort! C'est bien. Alors, voici une conférence qui s'intitule « L'âme ennemie de l'esprit ». Ça chatouille beaucoup de monde, ainsi que moi-même. C'est un autre type de conférence qui annonce beaucoup de dérangements. Pour certains, un peu pas mal beaucoup. Presque tous, on a déjà ressenti l'effet que la conférence de Daniel Kemp, ça fait un petit quelque chose, une petite appréhension, parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer. Par contre, on est bien pareil, parce qu'il y a à venir, parce qu'on a détecté qu'il y a une intelligence à être ajustée. Et être ajusté, ben, c'est toujours quelque chose qui nous fait sembler qu'on progresse. Ça nous aide à mieux vivre, en tout cas. Alors, Non. C'est bien. Alors, ce soir, est-ce qu'on aura un esprit sur la main? Ou plutôt l'âme sur la main, comme on exprime souvent. Est-ce qu'on aura de l'esprit de bottine, comme j'en ai un petit peu? Sans doute ni un ni l'autre. Toute notre société a été basée sur la valorisation, la reconnaissance de l'âme comme le lieu le plus élevé, le lieu le plus évolué de l'homme. Alors voilà qu'on a ce titre qui est dérangeant pas mal. Et puis, il vient une question, pourquoi soudainement l'âme devient-elle l'ennemi de l'esprit? Je pense que le mieux pour en parler, c'est Daniel Kemp, parler de cette âme et de cet esprit, et clarifier ça. Alors, invitons Daniel. Moi, mon micro, il marche. Combien de temps? Ça marche grandement. Très en forme, hein? Ça déborde. L'énergie, on va l'avoir à soi. Bon! Checkez-vous ça. Je sais pas si cette semaine, vous êtes amusé autant que moi. La semaine dernière, vendredi dernier, on a eu un peu de fun, je crois. Là, évidemment, il y a une grande semaine de congé. J'ai vérifié les statistiques pour l'année dernière et puis il y a presque deux fois plus de gens qui ont décidé cette année de pas aller en vacances. Je sais pas si ils ont décidé, mais enfin, ils sont ici à soir. Ah, c'est bien. L'homme ennemi de l'esprit. Oui, l'homme ennemi de l'esprit. L'homme. Allô? Oui. Allô? Oui. Bon. Mais il se trouve qu'effectivement, c'est l'homme. Qui est l'ennemi de l'esprit. Étant donné que l'homme s'identifie dans son âme et que, étant donné que l'homme est convaincu que l'âme est ce qu'il y a de plus important, que l'homme doit sauver son âme, ben, effectivement, dans ces conditions, l'homme devient l'ennemi de l'esprit. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un jour, je demandais à des gens sur la rue s'ils avaient une âme. Et on me répondait, ben, évidemment, comme tout le monde, l'homme étant collectif comme il est, et moi, je leur demandais par la suite, avez-vous une âme ou si vous êtes une âme? Ça, c'est la question qu'un enfant ne doit jamais demander à des adultes. Parce que j'étais jeune, ça demande donc à l'adulte de réfléchir, et l'adulte réfléchissant arrive à la conclusion que je suis complètement fou. Je suis un malade, débile, question niaiseuse. C'est pourtant pas une question niaiseuse. Avons-nous une âme ou sommes-nous une âme? C'est extrêmement important d'avoir la nuance. Plusieurs personnes, par la suite, m'ont expliqué qu'ils étaient une âme. Alors, je leur demandais pourquoi ils m'avaient répondu qu'ils avaient une âme. Alors, ils m'ont dit que c'était une façon de parler. Mais si c'est une façon de parler, je leur ai dit que c'était sans doute une façon de penser.